travailler pour messieurs les élus. Impôt sur la fortune, taxe sur la valeur. Je vais tout exploser, je vais me défoncer sur ma kebab machine. Ça va faire des poutous, ça va danser ce soir sur ma kebab machine. Ce soir sur ma kebab machine.